Chaque minute, c'est ici la radio. Eh bien, je vous souhaite un beau radiophonique. Bienvenue. J'aime bien manger des tartines. Des kefta. Du chocolat. Moi, des pâtes. Des pâtes. La salade et les concombres. Pas de thé. J'aime tout. J'aime pas les œufs. Des épinards. J'aime pas, c'est dégoûtant. Dégoûtant. J'aime bien tout. Une bonne fourchette. Miam Miam, une radio réalisée avec les enfants du centre Arnaud Fréteur à Bruxelles. Moi j'aime bien manger des frites, des carottes, des concombres, de la salade, des pommes de terre, des chips, des crêpes et des pizzas. Est-ce que tu te souviens d'un goûter d'anniversaire à toi? Un gâteau au chocolat et j'avais 6 ans. C'est ma maman, elle a acheté le gâteau. Depuis le mois octobre, c'est Tristana, bon anniversaire, 6 ans. Et puis ils ont mis une bougie de 6 ans, et j'ai apporté des cadeaux et une poupée de princesse. La recette du tagine au poulet. Un grand poulet en morceaux. 17 ans. Du curcuma. Du safran. Des oignons tranches. Un peu de poivre. Un peu persil frais. Quel morceau d'ail. Du citron confit. Mettre les oignons, l'ail, le poivre, le persil. Mélanger le safran dans de l'eau. Verser sur le poulet. Faire bouillir. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes. Remuer de temps en temps. Mettre les olives et le citron confit. Cuire sans vinaigre. Servir pour déjeuner. Tagine avec du couscous cuit. Bon appétit. Qu'est-ce que t'aimes bien manger quand t'es ici? De la salade. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. Tu fais attention à ta santé? Oui. Est-ce que les chips, c'est bon pour la santé? Non. T'aimes bien les chips? Oui, mais c'est pas bon pour la santé. Est-ce que la viande, c'est bon pour la santé? Oui. Est-ce que les bonbons, c'est bon pour la santé? Non. Est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé? Oui. T'en manges beaucoup? Oui. Est-ce que le chou-fleur, c'est bon pour la santé? Oui, c'est des légumes. C'est pas interdit de manger des chips? J'en mange un peu, pas trop. Parce que je fais attention à mon poids. Pourquoi? Parce que après, on ne saura pas me porter. Il y a des gens, ils veulent me porter. Et moi, je dis, non! Il ne faut pas me porter, moi, je fais tout seul. T'es déjà allée en Tunisie? Oui, je suis d'origine de là-bas. Comment on mange là-bas? C'est bien, on mange en famille. Du couscous, c'est des petits grains. Avec de la viande et des légumes. Et ton papa, il cuisine? Un peu. Il fait que des œufs à la poêle. C'est facile, les œufs à la poêle. Tu casses un œuf, tu mets de l'huile. Et tu mets la poêle à frire, c'est tout. Et qui c'est d'autre dans ta famille en Tunisie qui fait à manger? Ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle fait, ta grand-mère? Un plat avec le cerveau du mouton. Elle écrase et c'est bon. Sérieux, c'est bon. Glace, tatane, pistache, les chips. Et moi, j'aimerais bien boire de la vodka. C'était mon anniversaire. J'ai goûté un gâteau. Il y a même une fleur sur le gâteau. Une fleur sur le gâteau? Oui. Et Noémie me l'a donné à manger. Et c'était bon ? Oui. C'était quelle couleur la fleur ? Rose. Et c'était un gâteau à quoi ? À la fraise. Et c'est ton préféré ? Oui. Qu'est-ce que tu manges ? Une fois des sandwichs et une fois des tartines. Et moi, je mange des tartines et fromage. Le fromage, je casse. C'est bon ? Mmh. Goûtez un. C'est ta maman qui l'a fait ? Moi, c'est mon papa. Moi, j'aime bien de l'américain préparé. Moi, j'aime bien du saucisson de jambon. J'aime bien des têtes et c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu manges ? Je mange des légumes, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme légumes. Oh, j'en peux plus. Ah, j'ai bien mangé. Quels sont les endroits où tu n'aimes pas manger ? Ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bruit. Tu aimes bien manger quand c'est le silence ? Oui, et ici c'est rare. Comment ça se passe chez toi pour les repas ? C'est le silence. On mange quoi ? Tu trouves qu'il faut de la concentration pour manger ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire aussi sur les repas ici ? On a souvent du poisson et ça fait me baver. Même mordu un éducateur. Il m'a obligé à manger du poisson. Tu préférais manger l'éducateur que le poisson ? Mais non, il m'a tellement forcé que j'en avais marre. Et chez toi, ta maman, elle te fait jamais de poisson ? Si, des calamars frits. Et ça, j'aime bien, quoi, comme poisson. Tes parents, ils viennent de quel pays ? De l'Afrique. Qu'est-ce que tu manges comme animaux de l'Afrique ? On mange des crabes. Est-ce que tu manges du lion ? Non, les Africains ne mangent pas du lion. Est-ce que tu manges des gazelles ? Des gazelles ? Ma famille, oui, mais pas moi. Est-ce que tu manges du singe ? Moi ? Du singe ? Oh non, pas du singe. Est-ce que tu manges de l'éléphant ? Oui. Pourquoi ? Est-ce que tu manges du crocodile ? Moi ? Oh non, pas de crocodile ! C'est dégoûtant ! J'aime pas ! Est-ce que tu manges de... Oh non, pas de guépard ! Ça fait peur, les guépards ! Ils sont comme des lions ! Est-ce que tu manges des... Des girafes ! Non, parce qu'elle a un long cou. Et parce qu'elle ne sait pas la croquer. Je ne sais pas l'avaler. D'accord ? Tu le manges ? Voilà. Ah, hop, c'est du lait, ça. Et hop. C'est du lait, Vitaline. Ouais, c'est bien de la vache. Tu sais bien, hein. C'est bien de la vache. Tu connais la vache ? Alors, allez, mangez. Où les bébés sortent. Des bébés qui boivent le lait. Tu vois le lait. Fais un peu, croque un peu dans ton biscuit qu'on enregistre le bruit. T'as mangé quoi comme goûter ? Des petits beurres. Moi, j'ai mangé les biscuits de ma maison. Au Maroc, j'ai mangé du poulet. C'est avec du riz et les légumes. Et on était tout le monde, ma famille, au Maroc. Et alors, c'est différent comment ils mangent de comment on mange ici ? Oui, ils mangent avec les mains, Mais c'est une tradition au Maroc. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, qu'ils veulent pas manger comme les autres. Mais c'est la tradition. Chez eux, c'est la tradition. Mais je préfère manger avec les mains, même si je suis en Belgique. Et qu'est-ce que ça fait ici si tu manges avec les mains? Ils veulent pas. Ils disent que c'est pas interdit, mais ils veulent pas. On peut pas en Belgique, on mange comme en Belgique. Et au Maroc, c'est autrement. On ne mange pas avec les mains. On mange pas avec les mains. On parle pas la bouche pleine. Interdit de pas jeter ce type en l'air. Finis ton assiette. Attention, on t'en met partout. Finis ton assiette. La nourriture n'est pas un jeu. Attention, tu en mets partout. J'aime bien les spaghettis. Et les spaghettis, tu mets quoi dedans? De la sauce tomate, de la sauce bolognaise, des enfants, cyanocre, cilantro, vara. On va manger les enfants. Eva! J'ai envie d'une grosse salade de tomates. Où sont-elles passées? Ah, je t'ai trouvé! Je vais te manger! Ah! Et papa, tu me manges! Non, non, non, pitié, pas moi, s'il te plaît, pas moi! Et moi, j'ai une petite sœur qui s'appelle Zihan. Elle mange quoi, ta petite sœur? Du lait, du sein de ma maman. Et c'est bon? Bah, j'ai goûté la dernière fois, c'était très bon. Tu sais d'où ça vient, les œufs? Ah bah oui, c'est des poules qui pondent des œufs et qui ont un poussin. Tu manges les poussins, toi? Non, parce qu'ils sont gentils, ils font pas de mal. Jamais. Et tu manges les vaches parce qu'elles font du mal? Je mange des vaches, elles font pas de mal. Tu sais pourquoi on mange des vaches? Parce que nous, on est musulmans. Si je suis belge, je peux manger la viande pas halal. C'est quoi la viande pas halal? C'est halal. Le cochon, c'est halal. La tortue, c'est halal. La tortue? Tu manges la tortue? Non. Et pourquoi tu manges pas la tortue? Parce qu'il y en a pas beaucoup en Belgique. Mais s'il y en a beaucoup, on peut les manger. Une radio créée par Camille, Martin, Jonathan, Sophie, Emilia, Florian, Tana, Ali, Zara, Jérémy, Omar, Farah, Théa, et les parents médicaux, les éducateurs. Animation et réalisation, Céline Darmaillan, en collaboration avec le Centre Arnaud Fretter, les ateliers d'art contemporain de Bruxelles et Cinétique ASBL, avec le soutien de la Proximus Charity Account, gérée par la Fondation Roi Baudouin. Merci aux ateliers Grafouille pour leur aide. Mixage, Origan Canella. Au revoir.